La vertu découpe les oignons, puis tu y ajoutes les lardons. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au four tu dois l'enfourner. Et après 10 minutes, tu la sors et c'est juste une flamme que je tâte flamber. Quoi? Y'a quelque chose besoin?